Salut les amis, c'est Smell, bienvenue dans votre émission Happy Dance 35 qui vous fait découvrir chaque semaine le meilleur de la musique EDM à travers 2 heures de son non-stop. Allez, avant de commencer le classement de cette semaine, on va tout de suite s'intéresser aux 2 singles qui ont été le top 35 cette semaine. Il s'agit déjà dans un premier temps de Midnight Hour de Skrillex qui continue sa chute. Voilà, puisqu'il y a 2 semaines, le morceau était classé 24e et la semaine dernière 30e. Et cette semaine, il quitte donc le classement puisqu'il atterrit directement à la 37e position. Il y a aussi le 2e morceau à nous quitter cette semaine, c'est encore une fois Instagram de Dimitri Vegas and Like Mike. Et oui, Dimitri Vegas and Like Mike qui s'amuse un petit peu à faire le yo-yo avec ce single qui était il y a 2 semaines 36e, la semaine dernière 31e et là de nouveau 36e. Enfin voilà, maintenant, sans plus tarder, on va lancer tout de suite le classement de cette semaine, puisque ce qui va arriver en 35e position cette semaine et qui était 29e la semaine dernière, c'est Harder de Jack Jones et Bébé Rexha. Allez, restez bien dans Happy Dance 35 puisque l'émission a démarré dès à présent. Numéro 35. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. What you gonna do? You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? Cause you know I need that. Time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. Oh, I need a little more than just the usual. You should know. You should know. When you think you've done enough, then you love me harder. Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Then you love me harder. Cause you know I need that. Somebody said love, I believed it. Now I wear all of the habits that you gave. through your baggage in my head. You left all your baggage in my head. You made it impossible to forget. Cause you left all your baggage in my head. You left all your baggage. Et à l'instant, c'était Griffin et Gorgon City ainsi que Aluna George sur ce single Baggage classé 34e cette semaine et qui a donc chuté de 2 places. Les amis, votre émission Speedance 35 continue bien évidemment avec le meilleur des hits EDM à suivre. Tout à l'heure, on aura du Don't Wanna Dance, c'est une chanson de Boston Bun qui est à la 32e place. Et puis tout de suite, on écoute I Wanna Dance, c'est de Jonas Blue. Et oui, c'est un single qui était classé 18e la semaine dernière et qui vient de faire une grosse chute en arrivant cette semaine à la 33e position. Position. Numéro 33. Please don't try to treat me by me. I already told you that you're not my man. I don't need this, you blew your last chance. I found me. Lost in the sand, only you. Dance 35. Deux heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Et oui, deux heures de musique non-stop, c'est actuellement à l'instant dans votre émission Happy Dance 35. Effectivement, c'est le classement donc des 35 meilleurs tubes EDM que je vous fais découvrir durant deux heures. Moi, je m'appelle Ismaël. À l'instant, eh bien, on a écouté Marshmello, c'était Rescue Me, le single classé numéro 31 cette semaine. Et puis, allez, je vais tout de suite vous parler de ce qui va arriver tout à l'heure en 28e position. On va retrouver Griffin avec OMG. Et oui, Griffin avec Carly Rae Jepsen, toujours à la 28e position cette semaine. C'est donc un classement et surtout une position sûre pour un single qui vous fera sûrement danser. On aura aussi Todrick Hall tout à l'heure avec Nails Hair Hip Seals. Ah oui, 29e cette semaine, il perd 6 positions. Et puis allez, Crystal Waters, c'est quelque chose que l'on a découvert la semaine dernière, écoutez bien. Ça s'appelle United in Dance, et donc de Crystal Waters et de Air Ronaldo, et ça arrive tout de suite dans Happy Dance 35. Hit numéro 30. Numéro 29. nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, cunt, cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl, girl, I don't dance, I work, I don't play, I slay, I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay, okay. But I don't work for free, no. That's not the tea, hunty, no, so make it rain on me, and I might let you see, what you gonna let them see, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes, face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose, beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, wave, blow a kiss, I'm that bitch, sis, left, right, left with a spin, bitch, where's my sash and crown, cause I win, bitch, I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch, y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work, I don't play, I slay, I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay, okay. But I don't work for free, no. That's not the tea, hunty, no, so make it rain on me, and I might let you see, what you gonna let them see, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on, everybody on the floor. Everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance. I want to see you work. Come on, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop. Tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop. Pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose and blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes. 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12. Say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me. Now snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap. Now clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap. Give trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Now fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan. Shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam. That's all. Hit numéro 28. No chemical could recreate our chemistry. Got what I need, need, need. I'm technical, but I lose sensibility. When you're next to me, I feel a boom, feel a bang inside my soul, love. When you lay me down, when you do it the way, I lose control, love. All my senses now. You got me flying and flying to 4 in the morning. Can you hear my body is calling your name? Like, oh my. dans le top 35. Hit numéro 27. I can't get down. I'm from this high. High as a waterfall. If hearts could fly, want you to breathe. To me, caught in this lullaby, sing it to me. I wanna drown in your holy water. You know a sin never felt so good. I wanna drown in your holy water. Hey, amen. À l'instant dans Happy Dance 35, c'était leur single Holy Water, nouveau cette semaine dans le top 35 et qui donc arrive à la 27e position. Tout de suite, on continue avec du Tiesto, ça va être Ritual, positionné numéro 26, suivi de Duc Dumont avec The Power et bien évidemment Rehab, toujours présent dans ce top avec All Around the World, La La La. Deux heures de meilleurs hits musicaux dance électro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 26. Come on, you know what I want, now make me if you dare.

Et oui, c'était le regretté Avicii sur un de ses singles posthumes issus de l'album Team, c'était Even. Allez, on continue dès à présent avec un deuxième single de Tiësto, toujours dans ce top 35. Tout à l'heure, à la 20e position, nous avions pu écouter Ritual. Et bah tout de suite, on écoute God is a Dancer. Hit numéro 22. God is a dancer, yeah I heard on the radio that she always go harder, cause she keeping you on your toes, and she's perfectly focused, she's lost in the moment, are you feeling that fire, cause the music is on the way, if you wanna be higher, wanna move till the break of day. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Les amis, ça va bientôt faire une heure que nous sommes ensemble dans ce classement des 35 meilleurs tubes EDM du moment, qui bien évidemment continue toujours accompagné par moi-même Ismaël. Tout à l'heure, on avait pu écouter donc le numéro 22 de cette semaine qui était Tiësto avec God is a Dancer. Tout de suite, on va passer à la suite puisque d'ici quelques minutes, on aura Griffin pour son deuxième single classé dans le top 35 cette semaine avec All You Need to Know. C'est pas tout, Illenium sera toujours présent avec X Ambassador sur In Your Arms, classé 19e cette semaine et qui perd deux positions. Et puis Cascade ainsi que Megan Trainor sur With You qui perd 6 positions cette semaine et se retrouve à la 20e. Et ça arrive juste après ce single de Gorgon City, c'est There For You, à écouter tout de suite dans Happy Dance 35. Hit numéro 21. So right, if I could go back in time, what I would do is love you sooner. I wish I was there for you, wish I was holding you closer than close every day of your life. Wish I was there for you, and I wish that you were there for me too. Wish I was there for you. wishing that you were already here. Baby, that's how it needed to be for you to get to me. Wish I was there for you. Wish I was holding you closer than close every day of your life. I wish I was there for you. Cause when we're together, there's so much love and so little time. I wish I was there for you. Wish I was holding you closer than close every day of your life. Keeps me waiting. Do you know how much time I would be saving if I didn't let you into my head, let you into my bed? Oh no. I hope it's okay. It's the unknown. like we've seen the whole world. A thousand tears for the tears on your parents' roof. Forget my fears every time that I'm under you. All alone, all I needed was you. So I swear I'm not scared when it's over. If I died in your arms, that's how it was supposed to be. I got your hands in mine, and you don't have to listen carefully. I'll tell you a thousand times anything you feel, put it all on me. All of your thoughts, I want everything. And when you get sad, like you do sometimes, put it all on me. Put it all on me. Slender featuring Cal Lehman, c'était à l'instant dans Happy Dance 35, l'unique émission qui vous fait découvrir, eh bien oui, les 35 meilleurs tubes EDM du moment. Et à l'instant, donc, on a écouté All You Need To Know, classé numéro 18 cette semaine, et qui a gagné d'ailleurs 3 positions, puisque la semaine dernière, elle était numéro 21. Allez, tout de suite, on continue avec le numéro 17, c'est Roberto Suras, qui veut vous apporter de la joie avec son single qui s'appelle Joys. Hit numéro 17.

undress with you on my arm. Take the coupe out the garage, pull the roof back, just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep. On an island with the ocean color stuck in your iris. We comfortable in silence, but I prefer it when we wildin'. Sundress, nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people trying to complete each other under one breath. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Alone, ain't got a crown. Be watching and learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? And learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? À l'instant, c'était Ugel, le DJ francophone venant de Suisse, avec son single What the Fuck, qui est bien depuis des semaines et dans le top des hits EDM, et au moins entre la position 15 et plus. Et cette semaine, c'était la 13e position, vu qu'il a perdu une place. Allez, on continue tout de suite avec la nouveauté et la nouvelle entrée de cette semaine dans ce top. C'est Rushing Back de Flume en featuring avec Vera Blue, à découvrir tout de suite dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit. I always let the day slip away. I should have been making up my mind. I never opened up, took it all in, and now I'm running out of time. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. I feel the gravity pulling me faster than it ever. Pictures on the floor, but I hear everything telling me you don't have the time, you gotta go. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. Sometimes dreams are a dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past, way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. Dance Electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. 5, 4, 3, 2, 1. Happy Dance 35. Eh oui, Britney Beach, les amis, c'est toujours Ismaël avec vous dans ce classement qui vous fait découvrir ou peut-être redécouvrir, eh bien, le classement des 35 meilleurs hits EDM de la semaine. Peut-être d'ailleurs que vous avez pu les écouter sur diverses plateformes au hasard d'un détour puisque vous aimez l'électronique dance music, à savoir l'EDM. Eh ben, vous êtes comme moi. Bienvenue et restez sur la radio sur laquelle vous nous écoutez, bien évidemment. Allez, tout de suite, vous savez, on va continuer le classement et puis tout à l'heure, il y aura Bébé Rexha avec les Chainsmokers. C'est Call You Mine. Ah oui, Bébé Rexha classé, eh bien, cette semaine 9e, il a perdu une position, enfin elle a perdu une position avec Call You Mine, à ne pas confondre avec Eric Prydz. Bah oui, Call You Mine, Call On Me, franchement, quand on est mauvais en anglais comme moi, bah des fois ça nous permet de confondre et de se souvenir de cette chanson effectivement qui était sortie en 2004 et qui en France en 2005 avait atteint la position numéro 1 des charts. Eh oui, mais bon, on n'est pas là pour parler du passé, concentrons-nous sur ce qui se passe en ce moment avec, eh bien, Major Lazer. Toujours présent de ce top avec Kekalor, qui d'ailleurs cette semaine finit à la 10e position et donc reste à la même. On va tout de suite ne pas l'écouter, puisque avant ça, on a Baila Conmigo qui arrive avec Davis et le hit numéro 11 cette semaine. Hit numéro 11. Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasas tu mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Qué calor. Ven, toma mi mano y baila conmigo. We'll be right back.

avec Gismaël. Vous écoutez Happy Dance 35. Les amis, l'émission arrive fatalement aux trois premiers hits dance électro tout à l'heure, voilà. Mais pour l'instant, on va continuer avec des chansons qui vous restent en tête depuis des semaines et des semaines. Effectivement, il y aura tout à l'heure DJ Snake avec Taki Taki. Taki Taki qui gagne deux positions cette semaine et se classe quatrième. On aura aussi les Chainsmokers avec Take Away. Et oui, les Chainsmokers qui ont donc coupé avec Illenium et Lennon Stella sur ce single qui se classe cinquième cette semaine encore une fois. Et puis Sam Felt. Post Malone, vous connaissez, c'est une musique qui vous fait donner de la joie de vivre. C'est avec Rani, et bah c'est tout de suite à la sixième position dans votre émission Happy Dance 35. Hit numéro 6. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. but we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are. You have for takeaway, yeah. You have for takeaway, yeah. You have for takeaway, yeah. You have for takeaway, yeah. Hey, where do you think you're going? It's so late. What's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, it's what I want. So how do we get here? Feelings now we've been so caught up. Better if we do this on our own. Before I love you, na-na-na, gonna leave you, na-na-na. Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. Before I love you, na-na-na, gonna leave you, na-na-na. Even if I Until the sun come up, porque I am the Bésame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. L'émission touche presque à sa fin, chers amis, auditeurs et auditrices. Et oui, vous êtes bien toujours dans Happy Dance 35. C'est l'unique émission qui vous fait découvrir, eh bien, pendant deux heures, le classement des 35 meilleurs titres EDM du moment. Alors, si vous arrivez effectivement dès à présent, sachez qu'à l'instant, on a écouté le titre classé numéro 4 cette semaine. C'est un titre d'un DJ français, même parisien. C'était DJ Snake avec Taki Taki, en featuring notamment avec de grandes chanteuses et grands chanteurs. Il y avait Selena Gomez, Ozuna et Cardi B. En tout cas, restez bien puisque votre émission continue tout de suite. On va passer au top 3 des hits, donc le sommet du sommet de ce classement avec 3 singles qui depuis des semaines n'ont pas bougé. C'est incroyable, franchement. Je pensais personnellement que Higher Love de Kygo et Whitney Houston allait dépasser cette semaine Happier de Marshmello & Bastille, qui est quand même depuis 55 semaines à la position de numéro 1 dans ce classement. Et ben non, donc justement tout à l'heure ça sera ça. En numéro 1, bien évidemment. I want you to be happier. I want you to be happier. Un single, si vous regardez le clip, qui vous fera peut-être pleurer, mais qui parle beaucoup d'espoir. En position donc numéro 2, Kygo toujours, avec Whitney Houston sur Higher Love. Whitney Houston qui restera jamais dans nos cœurs, une grande chanteuse. Et puis tout de suite, on écoute le numéro 3, c'est Illenium avec Good Things Fall Apart. Le top 3 des hits, c'est maintenant. Hit numéro 3. Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk way too long when I told you all my feelings that night? Is it you? Is it me? Did you find somebody better? Someone who isn't me? Cause I know that I was never your type. Never really your type. Overthinking's got me drinking. Messing with my head. Sometimes good things fall apart. When you said it was real, guess I really did believe you. Did you fake how you feel when we walked down by the river that night? That night. That night when we fogged up the windows in your best friend's car. Cause we couldn't leave the windows down in December. Sometimes good things fall apart. Overthinking's got me drinking, messing with.

And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, merci du fond du cœur chaque semaine d'être aussi nombreux à suivre votre émission Happy Dance 35. C'est Ismaël, donc moi-même, qui vous ai accompagné durant ces deux heures pour vous faire découvrir le classement comme chaque semaine je le fais. Voilà, avec 35 hits qui peuvent être différents. Et oui, ça dépend. Par exemple, cette semaine, on a eu deux nouvelles entrées. Une en 12e position direct. Et oui, donc qui fait fort, c'était Flume et Vera Blue en featuring. Voilà, sur Rushing Back. Et puis en position numéro 27, c'était aussi une nouveauté dans ce classement, à savoir un single qui s'appelle Holy Water et qui a été produit par le groupe suédois Galantis. Voilà, qui sont donc deux DJ qui nous viennent tout droit de là-bas. Bref, c'était Ismaël au micro pour vous durant deux heures. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et donc un nouveau classement. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à bientôt. Ciao, bye bye.